On est comme si on était à Bourges ou à Montluçon. On est en province, et dimanche matin, on entend les cloches vénales. Et disons, la cloche fait le silence. Alors ça, je crois que c'est très important, en tous les cas pour moi, parce que ce silence qu'on invoque partout, dans tous les arts, finalement, y compris en poésie, il faut bien le faire. C'est-à-dire ce qui traîne. Et d'ailleurs, souvent dans les studios, je remarque qu'on dit « Taisez-vous tous, on va prendre un peu de silence. » Et qu'il suffisait de passer avec un appareil, une prise de son, pour engranger qu'on était silence. Alors je dis non, enfin je ne dis pas non à l'égard de la technique, mais je dis non, en ce sens que le silence, il faut le faire. Alors qu'est-ce qui fait le silence? Forcément, ça va être une chose comme, dans un matin de campagne, là-bas, et on ne sait pas d'où, par exemple, un village qu'on n'a pas bien vu, la sonnerie de l'église, les cloches de l'église se font entendre. Je dirais, les cloches, tout à coup, égrènent le silence. Le silence est dégrené. Du coup, le silence est entendu. Il est entendu à la fois comme l'intervalle entre, et en même temps ce qui entoure cette sonnerie. Donc je prends ça comme une opération minimale de faire le silence. Le faire, évidemment, c'est le poiei, le poietes. Donc j'insiste dans cette formule, il faut faire silence, sur le côté comment faire le silence. Déjà, dès la première répartie, nous sommes en train de repartir. À peine nous entrevoyons-nous, depuis 5 ans, la porte, le visage entrebâillé à nouveau, les lèvres, les yeux réentrouverts, que déjà, nous glissons déjà, le train repart déjà, caresse puis gifle, l'ensemble glisse, démarre. Déjà nous repartons, nous sommes demain déjà, ici dans le bureau, silencieux dès la première réplique, désert dès l'embras, nul visage, nul échange, ils redescendent d'un hiver écoulé, l'hiver futur. Déjà nous repartons, nous sommes demain, déjà, il faut bien le faire. Taisez-vous tous, on va prendre un peu de silence.